Vous écoutez CKRL au 89.1 et nous allons poursuivre l'émission de Futur Simple avec Mustapha Lor qui nous parle d'un curieux mariage entre Sanofi et Google, tout ça pour venir en aide aux diabétiques. C'est bien mystérieux tout ça. Bonjour Mustapha. Bonjour Valérie. Oui, en effet, parce que Sanofi et la division science de la vie de Google ont annoncé le 1er août dernier la mise en place d'une collaboration pour améliorer la prise en charge et les résultats cliniques des personnes atteintes de diabète de type 1 et de type 2. Et selon le communiqué de presse publié, la collaboration permettra de combiner le leadership de Sanofi dans le domaine des traitements et des dispositifs médicaux du diabète à l'expertise de Google en matière d'analyse de données, d'informatique, d'électronique, miniaturisée, des puces, etc. Donc j'imagine que tu vas nous éclaircir ça un petit peu plus tard, mais tout d'abord, quelle est la portée d'un tel accord ? Il faut savoir que le marché mondial du diabète, médicaments, insuline, glucomètre, pompe à insuline compris, a dépassé les 60 milliards de dollars en 2013. Et avec 7 millions de nouveaux cas de diabète pris en charge chaque année, les perspectives de croissance sont considérables. Et selon la dernière édition de l'Atlas du diabète de la Fédération internationale du diabète, publiée à l'occasion de la Journée mondiale du diabète, qui, rappelons-le, coïncide avec le 14 novembre de chaque année, le nombre de personnes atteintes de diabète passera d'environ 400 millions actuellement à plus de 600 millions à l'horizon 2035. Donc il y a un gros marché à prendre. Exactement. Et faut savoir aussi que Sanofi est un poids lourd de ce marché du diabète. Le Lantus, qui est un médicament produit par Sanofi, est l'insuline la plus vendue au monde. Et avec presque 10 milliards de dollars, ce produit représente le premier médicament vendu par Sanofi en 2014. On commence à comprendre, effectivement. Exactement. Et ce médicament génère donc environ 20% du chiffre d'affaires du groupe. Et malheureusement, le brevet du Lantus est tombé dans le domaine public cette année. Et il y a déjà deux compagnies, deux laboratoires, en l'occurrence Eli Lilly et Merck, qui sont engouffrés. Ils ont déjà commencé des essais cliniques pour produire un générique du Lantus. Et donc Sanofi doit alors innover tant sur le plan des produits que des services pour repousser ses concurrents. D'accord. Donc, puis au-delà donc de toutes ces considérations liées au profit, qu'est-ce que cet accord va changer concrètement pour les personnes diabétiques ? Il n'y a pas beaucoup de détails dans la communication produite par les deux parties, donc Sanofi et Google, mais l'accord laisse entendre que Google va apporter son expertise technologique afin d'aider les malades à suivre en continu et en temps réel leur taux de glycémie. Ainsi, les patients à risque ou les moins rigoureux parmi eux, dans leur suivi de glycémie, seront mieux pris en charge dans ce nouveau système. La démocratisation des téléphones intelligents et la connectivité accrue des appareils permet de couvrir un maximum de personnes maintenant. Et de plus, Google est un joueur de taille dans ce domaine puisqu'il contrôle près de 85% de tous les téléphones intelligents dans le monde via sa filiale Android. Donc, le monitoring ou la gestion de la glycémie des diabétiques sera grandement facilité. Ouais, donc, il y aura quelque chose d'automatisé un petit peu. Oui. Et les gens n'auront plus forcément besoin d'y penser. Il faut que je regarde mon taux de glycémie. On diminue un peu la responsabilité des patients en s'aidant de ces nouvelles technologies. Il faut préciser aussi que Sanofi a déjà entrepris le virage technologique qui s'imposait de plus en plus dans le nouveau modèle du système de santé. Certains parlent maintenant de médecine 3.0, de e-médecine ou encore de médecine connectée. Faut savoir que Sanofi a déjà créé un lecteur de glycémie connectable à un iPhone et avec différentes applications pour téléphone intelligent comme la plus connue est Diabeo. Mais les technologies avancent très très vite et puis les dirigeants reconnaissent qu'ils ne sont plus aptes, qu'ils ne sont pas tout simplement les mieux placés pour les développer ou d'où l'élaboration de cet accord en fait. Est-ce que cet accord entre Google et une compagnie pharmaceutique est une première ? Est-ce que finalement ça annonce le futur des traitements médicaux ? Est-ce que ça annonce un nouveau modèle économique pour l'industrie pharmaceutique, ce mariage entre finalement l'informatique et les nouvelles technologies et la pharmaceutique ? Cet accord, il marque une tendance, certes, mais n'est pas une première. Car Google n'est pas à son coup d'essai. Google a déjà créé il y a 2 ans donc sa division Life Science qui a déjà annoncé des programmes de recherche dans le domaine de la génétique, du nanodiagnostic ou des maladies neurodégénératives. Mm-hmm. Et cette division a déjà conclu plusieurs accords déjà avec d'autres compagnies pharmaceutiques. Google, à titre d'exemple, a développé des lentilles intelligentes pour les diabétiques. Et il y a déjà un accord de collaboration qui a été signé en 2014 avec Alcon, la filiale ophtalmologique du groupe Novartis. Donc déjà là, on peut constater qu'il y a un appétit en quelque sorte de Google pour la sphère diabétique. Mm-hmm. Et toujours dans le même registre, Calico, un autre laboratoire de Google, créé en parallèle à Life Science, a conclu en 2014 un accord avec la biotech américaine AbbVie pour mener des recherches sur les maladies neurodégénératives. Encore une fois, un autre accord, cette fois en janvier 2014, qui est survenu entre la Life Science de Google et le laboratoire américain Biogen, qui se sont alliés cette fois-ci pour étudier les facteurs qui déterminent la progression de la sclérose en plaques. Donc là, on peut constater qu'il y a une multiplication des partenariats entre Google via ses différentes filiales des sciences de la vie avec différents partenaires clés de l'industrie pharmaceutique. Mmh, mmh. Donc effectivement, il y a une tendance nette là qui se dessine. De plus en plus, oui. Donc cet accord et plus globalement donc cette tendance, est-ce qu'on peut dire que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est une preuve de développement et de modernisation des soins de santé? Difficile de répondre. Clairement, je dirais, parce que si on nommait les raisons mercantiles qui peuvent se dresser derrière une telle union, oui, c'est sûrement une bonne nouvelle et un pas vers l'avant dans le monde des soins médicaux. Mais malheureusement, il y a une part d'effet d'annonce de la part du laboratoire Sanofi. Pour des raisons boursières, Sanofi ne peut rester à l'écart de cette médecine à base d'algorithmes, d'autant que des laboratoires concurrents comme Novartis ont déjà franchi le pas en développant des lentilles intelligente pour le diabète, comme je l'ai déjà mentionné. Et cette alliance est donc une nécessité pour que les marchés financiers ne se posent pas de questions sur les intentions de Sanofi. Ne pas s'allier à Google aujourd'hui ou à un autre partenaire technologique conduirait les laboratoires à une certaine marginalisation. Et en d'autres termes, ceci aide à faire bonne impression en bourse et rassurer les actionnaires, ce qui s'est traduit donc par un cours de l'action de Sanofi qui a bondi de 2,58% depuis l'annonce de cette collaboration. Mm-hmm. En fait, on est passé de 86 euros à 88 euros l'action depuis le 1er septembre. Mm-hmm. Donc, il y a tout ce côté un peu mercantile, mais d'un autre côté, avec cette collaboration, nous faisons un pas de plus dans la surenchère, dans la collection des données personnelles. En effet, Google doit collecter, analyser et traiter des tonnes de paramètres physiologiques et des mesures personnelles en temps réel pour mieux nous aider à contrôler notre diabète. Mais on ne peut négliger alors le risque qui peut être associé à la possession d'autant de données et d'une éventuelle fuite. Mm-hmm. L'utilisation de telles données peut être très utile pour d'autres parties. Ces données peuvent être utilisées, par exemple, par d'autres compagnies qui cibleraient d'autres maladies dans le but de nous vendre encore plus de médicaments. Ou encore, il y a les assureurs qui voudront en savoir un peu plus sur notre véritable état de santé afin de recalculer nos primes d'assurance. Ce qui pose donc évidemment des problèmes d'éthique et des questionnements sur la préservation de certains de nos valeurs et de nos droits, notamment le droit d'accès aux données personnelles. Oui, effectivement, c'est très intéressant et en fait, on a l'impression que c'est plus la santé de leur portefeuille que la santé des personnes qui intéressent ces sociétés. Merci beaucoup, Mustapha. Merci à vous. On va faire une petite pause musicale sur CKRL au 89.1 et au retour, on vous explique tout sur les vaccins.